t'es là. Hélas, j'étais largué, puis j'ai vu tes larmes. Pardon, je m'excuse, j'ai déchiré ton cœur. Et quand ce même cœur était sous les ponts, j'étais sur les bondeurs. Je m'excuse car j'ai foutu la merde. Et j'étais pas foutu de l'admettre. J'ai tout saccagé, j'étais petit, je te plains pas. On manque de rien, tu m'as regardé avec dédain. Et tu m'as dit putain, tu comprends rien. Je m'excuse si j'ai pas compris, j'ai pas entendu ton cri. Y'avait trop de bruit dans ma vie, nul doute. Le fric, t'en as rien à foutre. Tu voulais juste qu'on soit nude. Donc écoute, écoute. Plein de fois, tu m'as dit change, te plaît. Donc pardon, m'excuser quand je change de père. C'est trop facile, je sais, mais sans toi, c'est trop dur, j'y arrive pas. Crois-moi, j'ai essayé sans toi. C'est notre chanson, hein, s'il te plaît, va le dire au DJ, ok. Faut que je me reprenne, faut que je réapprenne à dire je t'aime. Pardon pour les oublis de Saint-Valentin. J'suis comme j'suis et Dieu sait que j'suis pas galante. J'ai ton nom tatoué dans le dos, t'es ma drogue, j'suis drogué. Il me faut ma dernière dose, j'étais rodé comme dans les films. Notre couple était brodé, j'ai pas arrêté d'arracher les films. J't'ai dit que j'allais changer, vainement. T'as attendu, y'a un truc qui cloche et j'crois que ça vient de moi. Donc pardon, repartons à zéro. J'ai goûté une goutte de bonheur, j'veux tout le flacon. Tourne pas la page, nos cœurs n'ont pas cessé. Bah, ne la tourne pas, l'encre n'a pas séché. Me dis pas que c'est trop tard, j'te demande pardon. Et je reconnais les fautes, je pour moi, le temps me changera. Rassure-toi, je vois, je t'ai fait du mal sans lever la main sur toi. J'ai eu mal quand j'ai su que notre relation était à sens unique et que t'étais dans une voie sans issue. Et j'ai le culot de penser que j'ai du mérite parce que j'avoue que je réalisais pas ce que j'avais. Tout ça c'est ma faute. Moi, je t'avais toi, il me reste quoi? Que dalle à part la peur de te voir avec un autre. Ça, ça va me tuer. Je le sens, je le sais. Certes, je t'ai blessé, mais c'est moi qui saigne. Merci de me pardonner. Pardon, car j'ai peur d'aimer. Ces mots n'étaient pas dans mon jardin.